Évidemment, à ma part, je suis bien désolé, je suis bien frustré, je suis bien fâché. J'ai toute la gamme d'émotions. Coliforme, ce qui lui permet de mettre ses invités dans l'eau bouillante et heureusement, on peut le consommer sans modération. Voici votre animateur, Jean-Philippe Baudier! Hey! Bonsoir tout le monde! Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps d'aller faire bouillir notre eau en attendant le prochain métro de Montréal. Oui, hein? Oui. Parce que c'est pas facile. Hein? Ça va, bonsoir. Bonsoir! Grosse semaine à Montréal. Hein? Grosse ou petite, là, ça dépend comment on voit ça. Là. Oui, j'aurais envie de dire petite grosse, en même temps, ça pourrait être mal reçu. Ouais. Toujours est-il que le métro n'a pas eu le temps de repartir après la grosse panne du début de semaine. Mais non. Que la ville nous annonçait mercredi que l'eau n'était pas buvable. Ouais. Hein? Mais en même temps, j'en ai bu, moi, puis j'ai pas vu de différence. Ah oui, il n'y a pas de. Non, mais moi, je suis intolérant au lactose à la base. Ah. Fait que, moi, c'est. En fait, c'est la danse des coliformes à tous les jours. Et voilà, France, ouais. C'est tout de même une parade. Une parade de des petites flûtes, là. Oui, ben regarde. C'est correct. T'es habitué, finalement. OK. En même temps, On chiale sur Montréal, mais là, vous regardez l'actualité. Toronto, Laval, ben ouais. Je veux dire, regarde, entends un maire qui fume du crack, puis un autre qui est accusé de gangstérisme, là, je veux dire. Je pense que je préfère encore une petite diarrhée. Moi. Ouais, Non, mais pour vrai, là. Non, mais faut faire attention, on n'a pas de preuves contre personne à date, c'est des allégations. Hey, vous avez raison, Fred, oui? J'aime ça. Oui. Je suis assez fier de vous quand vous... Non, mais ça démontre du jugement, alors, c'est beau, ça. Première chose. Oui. Vous êtes connecté avec la réalité. Ah, totalement. Donc, deuxième chose. Et vous avez une grande compréhension du système judiciaire. Ah, c'est malade. Vous savez à qui vous me faites penser, Fred, quand vous parlez de ça? Yves Boisvert. Non, Lisiane Gagnon. Ben voyons donc. Oui. La vieille madame de la presse? Non, la vieille madame du Globe and Mail. Ah, c'est pas la même personne? Non, ça me surprendrait qu'autant de déconnexions avec la réalité puissent se retrouver dans une même personne. Ah ouais, non. À mon avis, c'est deux. À mon avis, sont deux. En tout cas, donc, Lizanne Gagnon, la chroniqueuse du Globe and Mail, a proposé que la vidéo de Ford, du maire Rob Ford, aurait pu être photoshopée. Hey boy! Photoshopée une vidéo, toi! Oui. Et pour le bon maire Gilles Vaillancourt, elle a rappelé que c'est pas mal gros être accusé de gangstérisme hein, pour quelqu'un qui a pas tué personne. Non, c'est vrai. Pas faux. Moi, c'est pas faux, là. Moi, je pense que c'est le jugement de Lizanne qui a été photoshopée, finalement. Oui, ou lifté, je sais pas comment. En tout cas, lifté, ouais. Ouais. En tout cas, il n'y a pas qu'au Québec qu'il y aura des élections municipales. Il y a à New York aussi, ça. Il y a des nouvelles à chaque semaine. Et cette semaine, c'est l'ancien représentant américain Anthony Weiner qui a annoncé qu'il se lançait. Weiner? Anthony Weiner, je pense. Weiner? Oui. Qui se lance dans la course? Oui. Vous savez, c'est qui, là? C'est le gars qui envoyait des photos de son Weiner sur Twitter. Ouais, lui-même, exactement. Ça se whiz, là. Y a-tu des grosses chances de remporter l'élection? Moi, j'ai vu les photos. Il doit 6 pouces d'avance. Ah! Ça va se décider le jour de l'élection, aux burnes. Merci, Fred. C'est un synonyme que peu de gens connaissent, hein, de Burn, mais en tout cas, c'est pas grave, c'est une bonne blague pareil. Sinon, ça a pas été une semaine facile non plus pour Stephen Harper, si on a vu ça. Je sais pas si... Je te dis que le Sénat, ça commence à s'effriter. Ouais. Hein, tranquillement, là, il y a Duffy qui est parti. Ouais. Il y a la madame, là, la madame. Il y a le boxeur avec des tatous. Ouais. Il y a Dwight, ça s'appelle Nigel Dwight. Ouais. Le gars qui a 90 000 piastres dans son compte de banque. Je dis, écoute. Mais c'est une très grosse crise. Oui, même Jacques Demers songe à démissionner. Oui, c'est ça. Je l'ai lu aussi. Il faut faire attention. Il paraît que Demers attend de lire le rapport du comité de vérification avant de démissionner. Fait que d'après moi, il. Démissionnera pas, je sais pas. Mais il a gagné la Coupe Stanley, le monsieur. Ouais. On rit, là, puis mais moi, j'ai jamais gagné la Coupe Stanley, puis je sais lire. Je suis pas mieux. Non, puis votre carrière est pas. pour vrai, là, on est. Personne ici, là, peut-être pas, c'est pas. OK, on enchaîne. OK. Sinon, mais vous avez fait des belles choses. Les apartistes. Oui, c'était drôle. Oui. C'est des bonnes années, ça. Non, sinon, il y a. Arrêtez, là. Hein? Arrêtez, vous faites des belles choses dans la vie, Fred. Combien de Gémeaux vous avez gagné? Un Gémeaux. Ah, tiens, regarde. C'est 100 fois plus que le nombre d'Olivier que j'ai gagné. Oui, c'est sûr. Sinon, autre sujet, il y a le parrain de la mafia. Je sais, vous avez vu Vito Rizzuto qui est de retour sur les terrains de golf, hein, sur la rive nord. Il joue au golf maintenant. Est-ce qu'il a bien joué? Paraît-il qu'il a très bien joué. Il a joué 18. 18? Oui. Sur un 18 trous. Il a joué 18, Fred. Ben voyons donc. 18. Ben non, mais ça se fait pas 18. Fred. Ben voyons donc, Rizzuto, il a 62 ans. C'est pas son nom. Il a joué 18. Ah, OK. Ah, OK. Ah, oui. Ah, mon Dieu, la forme revient. Ben oui, il a joué 18. C'est exactement. Et si vous voulez pas manquer d'eau pendant 3 jours encore, là. Il a joué 18, OK? Ah, mais il n'y a pas qu'à Montréal qui s'est brassé, à Paris aussi. Je sais pas si vous avez vu ça. Il y a un écrivain d'extrême droite qui s'est suicidé devant la cathédrale Notre-Dame. Ah oui, Paris, pas Victor Lévy-Beaulieu, toujours? Non, non, un vrai français. Victor Hugo-Beaulieu, je pense. Mais dans une lettre qu'il a laissée aux médias, là, il se serait suicidé à cause de l'infâme loi des mariages pour tous, qui est passée récemment en France, et à cause de l'immigration afro-maghrébine. Ah, ben mon Dieu, c'est triste. Non, mais je parle pour les touristes, là. Je veux dire, ça a scrappé la journée, il faut les évacuer, il faut nettoyer, il faut... Non, ça, c'est pas long. C'est pas étonnant, mais ça prend un cœur pour... pomper le sang. Pomper le sang. Ah, c'est, puis, en même temps, un militant d'extrême droite, c'est sec en dedans. Ça pas... Ça pourrit pas, ça. Ouais. Hein, pis, juste du fiel. Oui, aussi. En même temps, regarde, c'est la senteur qui est en dedans. En même temps, t'as Paris, fait que c'est pas. Pas une senteur près. Toujours est-il que, heureusement pour nous, nos invités ont du cœur et très peu de fiel. Très peu. On reçoit tout d'abord Marie-Soleil Michon, la toute nouvelle animatrice de C'est juste la TV avec nous ce soir. Franchement, on est très contents, Ouais. Ça, là! Ça, je l'aime, cette émission-là. Là, si j'avais le câble, là, je regarderais rien que ça. Ah ouais, hein? Ouais. Vous n'avez pas le câble? Non, mais j'étais un gros lecteur, moi. Ben vous lisez certainement notre deuxième invité, Yves Boisvert, qui est chroniqueur à la presse. Et ça, c'est... C'était moins... Non, mais c'est parce que des gens qui n'ont pas d'iPad 2, sont comme moi. Hein, vous pouvez pas le lire non plus. Je pourrais être le mien, c'est intéressant. Ah ouais? Au pire, vous le lirez sur le site de la presse trois semaines plus tard. Ah ouais? C'est intéressant. De toute façon, ça va vous donner amplement le temps de découvrir nos deux invités, Fred, parce que la soirée est encore jeune. Merci d'être à l'écoute de la soirée. Olivier Niquette, les internets. Oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront voir des vidéos de petits minous toutes cute. Ah, c'est vrai? Non, mais il s'est pas passé grand-chose sur le web cette semaine. Fait que, c'est toujours Dieu. Winner des minous, tu sais. Vous êtes payé pour faire ça, vous. OK. Des semaines comme ça. Hey, grosse semaine d'actualité. Grosse semaine d'actualité. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler d'Olivier Dion. Qui ça? Justement, Fred, Olivier Dion. Ça, c'est le gars qui se trouve à être en avant de moi dans le palmarès des 23 hommes les plus sexy. Olivier Dion, dans l'éco-vedette. C'est l'éco-vedette qui a mis Olivier Dion. Un top 23. Oui, Fred. C'est précis. Donc, je sais pas si c'est qu'Olivier, mais en tout cas... Ouais, mais moi, j'étais à quelle position là-dedans? Il n'y a pas de palmarès pour la section âge d'or. Oh. Mais s'il y en a un, par exemple, vous allez être... Non, mais vous êtes beau, frère. Il n'y a pas section, en tout cas. Bravo, Fred, pour tout ça. Hein. Premier invité. Journaliste de formation, elle a été également recherchiste, chroniqueuse et maintenant animatrice. C'est une longue liste de métiers. Accueillons Marie-Soleil Michon! Bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci. La petite main froide, fraîche. C'est parce que j'ai une bouteille d'eau. Ben ça prend ça. C'est l'accessoire tendance de la semaine. Je vois, vous avez une gourde. Vous la remplissez où, votre gourde? Toujours. Avec mon eau bouillie. Arrêtez donc. Ouais. C'est vrai, vous faites bouillir votre eau. Moi, j'ai abandonné la bouteille de plastique il y a plusieurs années. Moi je vis selon mes principes. D'habitude, on boit de la bière, mais là, on n'est jamais trop sûr. Mais c'est vrai, on remplace ça par de la bière et du vin. Ça a fait une belle semaine, ça. Hein? Vous trouvez pas? Tout le monde est un peu feeling toute la semaine. On est hydraté quand même. Très bien hydraté. Puis aussi, ça nous a envie de fumer du crack. Hein? Oui. Pourquoi, là, ça. Mais je veux dire. Ça prend pas de l'eau pour mettre dans. Mais tu l'avales-tu, là? Je sais pas. Ben, la ville de Toronto a sûrement envoyé un avis. Un avis, tu sais, pour ce genre d'affaires-là. Mais nous autres, à Montréal, on n'a pas ces problèmes-là. Marie-Soleil, bravo! Vous êtes la nouvelle animatrice de C'est juste la TV. Ben, c'est bien gentil. Merci beaucoup. On est content de ça. Ben, moi aussi, je suis contente de ça. Vous succédez André Robitaille. André Robitaille à l'animation. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment remplacer un animateur? Oh, c'est une bonne question. Parce que là, je me dis, regarde, ici, ils sont chanceux, je suis jamais malade. Ah ouais. Mais s'il fallait que je tombe malade, vite comme ça. Oui. C'est moi? Non, Fred, pour vrai. C'est bon, non, Fred. Normalement, c'est ça qui est déterminé. D'ailleurs, syndicalement, mais je veux dire. Donnez-moi un petit verre d'eau? Pardon? Un petit verre d'eau? Non, c'est bon pour moi, je te remercie. Il y en a deux, là. Il y a M. Niquet, M. Savant qui attendent leur place. Là. Ah oui, mais Olivier, son coton de mots et lui, c'est très beau. Ah oui, c'est beau. Quel dommage. Ouais. Non, mais écoute, il est fin. Il est fin, fin. Mais est-ce qu'on peut remplacer? Je sais pas, non. On fait à sa manière. On n'essaie pas de remplacer. On essaie on le fait de manière authentique. Parce que je lisais récemment, on suggérait dans Unité 9, par exemple, de tuer Shandy. Au lieu de la ramener, au lieu de la changer. Dites-moi pas que vous voulez tuer André Robitaille. Je lance ça, là. Je veux dire... On veut faire de la TV autrement, là. Ça pourrait être une solution. C'est vrai que ça a suscité les passions, hein? Mais ça! Est-ce que Shandy, qu'est-ce qui arrive? C'est-tu réglé, ça, d'ailleurs? Hey, pour vrai, là, je parle à travers mon chapeau. Je sais même pas c'est qui, Shandy. J'ai pas le câble. En tout cas, si vous cherchez quelqu'un, oui. Je lance ça comme ça. Vous avez déjà remplacé André à une occasion. Si je ma mémoire sais, télévisuelle et est bonne. Ils ne m'ont jamais rappelé. C'est ça qui arrive, hein? J'osais pas le dire. D'ailleurs, j'ose je vois une des productrices dire. Dans la foule qui me sourit un petit malaise. Ben un petit oui, malaise. Hein? Mais je pense que vous allez être pas mal occupé aussi à l'automne. Donc, oui, non, ça devrait être correct. Ça devrait être correct, ça va être beau. Donc, on ne sait pas encore s'il va y avoir des changements au concept. On ne sait pas encore qui va revenir. On peut parler de télé, par exemple. Ben, on peut parler de plein d'autres justement, affaires. Justement, là, j'avais une question parce que, justement, on s'attendait à ce que vous remplaciez au chef, que vous arriviez pour animer les chefs. Qui ça? Qui attendait ça? Tout le monde! Oh! Le public vous a demandé de remplacer les chefs à quasiment 39-40%. Mais ce n'était pas une élection, justement. Ben non, je sais bien, mais en même temps, on se dit, les diffuseurs, ils doivent se dire, si les gens l'aiment, Marie-Soleil, on va la prendre. Ben, ah, mais ils ont pris Élise Marquis, qui est votre amie. Qui est une amie, d'ailleurs. Oui, oui. Et moi, c'est une émission que j'adore. J'ai jamais manqué un épisode des chefs. Vous écoutez beaucoup de télé, hein? Oui, beaucoup trop. Oui. Votre vie ressemble à quoi? Plate, fun? Plate, non. Plate, je dirais pas ça. J'aime assez ma vie. Oui. Vous allez vous acheter un deuxième enregistreur numérique, paraît-il. J'ai entendu parler de ça. Mais voyez-vous, là, ça va en faire apporter parce que je me suis fait un job avec ça. C'est, en disant ça, là, vous êtes fait une job, là. Ben non, mais je veux dire, ça fait 30 ans que j'écoute la télé au 30, désespoir. 30 ans? Ben j'ai 36 ans. Ben oui, mais mon Dieu, vous l'écoutez depuis, vous êtes assez jeune. Ben vos parents vous ont élevé devant la TV? Non, c'est ça l'affaire. Je me suis fait beaucoup chicaner. Ma mère était au désespoir parce que je voulais écouter L'Ancien Compte. J'étais la seule de mon école. Arrête. Qui ne pouvait pas écouter L'Ancien Compte. Quoi? C'est pas à grave. Cause des scènes de sexe. C'était pas c'est à cause de ça? Non, mais c'était pas de mon âge, puis elle avait complètement raison, mais ça nous a occasionné quelques chicanes. C'est de l'âge de très peu de gens, L'Ancien Compte, honnêtement. Et au grand désespoir de ma mère, qui a tout essayé avec moi, karaté, flûte à bec, patinage artistique. Karaté? Oui. C'est rare que ça fonctionne, karaté. C'est rare. Ouais. Et flûte à bec. Moi aussi, j'ai fait flûte à bec. Hein. J'ai fait flûte à bec, karaté. Deux échecs. Pas la même année, toujours? Peut-être. Ouais, je demande à ma mère, mais je sais que j'ai fait ces deux affaires-là. J'ai eu une. J'ai fait la flûte à bec, moi aussi. Ouais. Ah ouais? Moi, je joue l'eau vive. Là. Il paraît que c'est très beau à entendre. Ah ouais? Mais il aurait fallu qu'on se parle avant. Il aurait fallu orchestrer ben ça. Là, on aurait pu tout savoir. L'année prochaine, on se fait un petit party de flûte à bec. Là, ça, est-ce que ça devient moins intéressant pour le public? Là, non, je pense là? Pas. Non! Hey, moi, de la flûte à bec, là, à la radio, je vais être là. Là. Ouais. Je vais être au poste, je vais, c'est sûr. Je vais vous avouer quelque chose. Quand je jouais de la flûte à bec dans les concerts, j'étais pas capable vraiment de peser sur, tu sais, de faire tout ça. Je faisais la mélodie avec ma bouche. J'ai fait ça. À dire, Jean-Philippe, que vous n'êtes pas capable de faire deux choses en même temps, impliquant votre bouche et vos doigts. C'est rare. Mais vous auriez torché au gazou, en tout cas. Comment? Vous auriez torché au gazou? Au gazou, j'étais un des tops. C'est pour ça que moi, je me voyais arbitrer à la LNU quand j'étais plus jeune. C'était vraiment mon... Bon, on va parler un peu justement de télé. Ah oui, donc. Qu'est-ce que vous allez passer au tordeur? Pas au tordeur, l'affaire, là. J'écoute pas chaud, là. C'est tellement... Ben voyons, le réparateur. Ah oui, le réparateur. Tout le monde connaît vrai, le réparateur. Est-ce que vous allez passer l'émission des chefs d'Élise Marquis? Ben non, pourquoi? Ben oui, mais... Ben non, mais je l'aime, vous l'émission. Vous l'aimez, oui. Mais là, elle n'est pas commencée encore. On va C'est ça. Elle vous dit comment je suis pas à jour. Ben non, vous n'êtes pas à jour, est-ce Seigneur. Que allez... Ça commence le 17 juin et moi, j'attends ça, là. Mon Dieu, vous connaissez les dates par cœur? 20h. Radio-Canada. Ah non, si on commence J'sais à jouer... Je sais pas si ça m'impressionne ou ça me désole. Ça peut vous désoler. Je vis avec ça, mais si on commence à jouer façon quiz, là, ouais. On peut jouer longtemps parce que moi, je suis très joueuse. Je suis bon dans un quiz, mais je passe à autre chose, là. Oui, hein? C'est ça que j'ai su. Vous êtes pas si bon que ça, hein? Hein? Non. J'étais average. Je lisais dans votre fascinante biographie... Non, dans vos notes de recherche. Notice nécrologique. Ouais, c'est ça. Que vous possédiez un bac à l'UQAM en communication et que vous avez déjà reçu qui de la tribune... Ouais, non. Ça se trouve dans une boîte de Cracker Jack, cette affaire-là. C'est ça. Vous avez reçu de la tribune de la presse une bourse décernée au meilleur espoir en journalisme politique. Quel argent mal dépensé par la tribune de la presse, hein? Et en même temps, vous faites des recettes de cupcakes avec Ricardo. Aussi. C'est tout moi, comment ça. Comment ça, donc? Comment ça? Hey, ça, c'est une longue histoire de vie, là. Ah ouais. C'est les hasards de la vie qui m'ont fait bifurquer de mon parcours de journaliste. Parce que moi, adolescente, si on revient à ma vie télé d'adolescente, je rêvais d'être Stéphanie dans Scoop, ma chagrenon. Travaillait à la presse. Vos parents vous laissaient regarder Scoop? Ah oui, ça oui. Ça, c'était encore plus osé que l'autre. Oui, puis je m'habillais en trench pour aller à l'école. Puis j'étais vraiment déjà une journaliste dans ma tête. En trench? Ah oui, oui, oui. Tailleur, trench, tweed, tout ce qui commence par T. C'est le fun. Et oui, je rêvais d'être journaliste. Puis ça a failli être ça, ma vie. Mais là, c'est un peu la faute de Pierre Bourgault qui a dévié mon parcours. C'est souvent la faute de Pierre Bourgault. Oui, souvent. Quand on ne sait pas sur qui mettre la faute, on dit c'est Pierre Bourgault. Qu'est-ce qu'il a fait de pas correct encore? Ben, il m'a référé à une amie qui faisait un casting pour La fin du monde est à 7 heures. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée. Mission d'information. C'est ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler avec Marc Labrèche et sa bande de joyeux lurons. Mais moi, j'ai pas peur. J'ai fait de tout. Puis du bon, du pas bon. Puis remplacer aussi. Vous avez déjà fait ça, prendre le deuxième casting. Éric Salvaille en parlait, le méchant. Éric Salvaille en parlait à Christiane Charrette. Ah, écoute, moi, je te dis. Non, je l'adore. À Christiane Charrette, vendredi, il disait que vous étiez du deuxième casting des copines d'abord. Il disait que vous étiez un peu la deuxième comme ça, mais sachez que ce soir, mais c'est correct, vous étiez notre premier choix. Oui, j'en doute pas. Mais là, il faut que vous fassiez... Non, mais sans blague, moi, j'ai pas de... Comment dire? C'est correct, puis ça fait 17 ans les que je suis dans le métier. Les gens se trompent, après ça, ils prennent le bon choix en deuxième. Moi, c'est comme savez-vous ça. Quoi? J'ai pas peur de travailler fort. Je suis une travaillante. Vous êtes pas québécoise dans l'âme, hein? Non, je suis mascoutaine, je l'ai dit. Non, mais sans blague, j'ai pas peur de travailler fort, puis je pense que je suis souvent appelée pour ça, parce que j'ai pas peur de faire 8 jobs en même temps. Non, c'est pas ça, de me relever les manches, puis d'en faire une comme faut, puis... Puis pour remplacer, peut-être ça prend cet état d'esprit. Non, puis en même temps, Buzz Aldrin est allé sur la Lune aussi, là, même si c'est le deuxième. Je suis pas allé sur la Lune, moi. Moi, c'est parfait. Moi, ça c'est me convient tellement vrai, bien. Ça, Fred. Ben merci beaucoup, Marie-Soleil. Je suis la Buzz Aldrin dernière de la question télé comme j'adore ça. Oui, j'adore ça. On tweetera ça plus tard. Oui. Dernière question avant qu'on se laisse. C'est quoi le poste d'Art TV? Ben, 31, 631. Okay. Oui. Okay. En HD, 631. 631, ils sont rendus à 600 postes. Ben oui, HD. Mais moi, c'est illico. Il fallait que vous le viviez pour changer de poste. Ben, moi, je mettais UHF. C'est ça. Vous savez pourquoi? C'est juste de la TV disponible sur le web aussi. C'est juste de la TV. Mais Fred, l'émission est disponible sur le web. Comment vous appelez ça, le web? Les internets, M. Savard, les internets. Ben, je ne vous ai pas offert de bière. Vous voulez une bière? Ou l'eau non, du robinet, merci. L'eau du robinet bouillie, refroidie. Parfait. Ça va. Vous restez avec nous. Hey, si l'émission C'est juste de la radio existait, nous l'enverrions toutes les semaines au réparateur. Je parle évidemment de notre gonflant et antipathique reporter tout-terrain, Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, bonsoir. Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va correct, toi? Bon, ben écoutez, je vous cacherai pas que je suis extrêmement fébrile présentement parce que je m'apprête à vivre en direct pour vous une expérience choc inspirée de l'histoire de la belle Angelina Jolie dont on n'arrête pas de parler. Ouais. J'ai décidé moi aussi de mettre les chances de mon côté sur le plan santé en subissant ici, en direct, à la radio, une ablation testiculaire préventive. De toute façon, vous le savez, Jean-Philippe, moi des bases, j'ai jamais su quoi faire avec ça. Non. On est toujours pogné avec ça dans les jambes. C'est gros, puis c'est pas bien. Alors, j'ai décidé de me présenter à l'urgence, parce que vous le savez, j'ai pas de médecin de famille. Non. J'ai pensé aller joindre le docteur Alain Vadeboncoeur. Je me suis dit, il doit être très disponible depuis qu'il a perdu son programme. Ouais. Et je le vois justement passer ici. Docteur Vadeboncoeur, bonjour! Oui, bonjour. Bonjour. Alors, inspiré de l'histoire d'Angelina Jolie, alors je vous demande, s'il vous plaît, retirez-moi la bourse. Parce que les soins sont gratuits au Québec, hein, vous savez ça? Je parle de la bourse personnelle. Vous parlez des testicules. Testicules! D'abord, vous êtes au courant, vous êtes à l'Institut de cardio aussi. Là. Vous savez ça? L'urgence ici, c'est pas une urgence générale. Mais deuxièmement, pourquoi vous voulez qu'on vous enlève les testicules? Ça me paraît un peu curieux, comme il dit. C'est une mesure préventive. Préventive pour? Pour le cancer. Pour le cancer, vous faites allusion à Angelina Jolie. Excusez, c'est parce que j'ai un patient. Je vous reviens, monsieur, dans deux petites secondes. Écoutez, c'est très particulier, le cas d'Angelina Jolie, il faut le savoir, là. C'est un cancer génétique familial où le risque est extrêmement élevé. On propose effectivement aux femmes une opération qui est quand même très radicale d'enlever les seins et parfois les ovaires pour prévenir ça. Mais c'est probablement pas votre situation personnelle. Pas encore drôle. Enlevez-moi les seins, docteur. Vous êtes bien un homme. Un instant. Oui. Est-ce qu'il y a des cancers desquels je pourrais mourir en revanche? Ben, les cancers les plus fréquents chez l'homme, il y a le poumon, hein, surtout chez les fumeurs. Est-ce que vous fumez? Non! Non, ben, il y a le cancer du côlon, cancer de la prostate, qui est un cancer important. C'est des cancers beaucoup, beaucoup plus fréquents que le cancer du sein. Excellent. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, me faire enlever 6 pieds de côlon, la moitié de la prostate et le poumon droit. Idéalement, je m'en sers jamais de ce poumon-là, de toute façon. Bon, ça, jamais. Non, non, je suis très sérieux. Non, vous savez que ça ne marche pas comme ça du tout. Hein. C'est vraiment, vraiment rare qu'on enlève un organe par prévention. Le sein, c'est un cas très particulier. C'est vrai que le côlon, on l'enlève des fois, là, encore là, pour des cancers génétiques, un très haut risque familial, mais sinon, on ne fait jamais ça. Mais vous ne sentez pas ma détresse? Opérez-moi, docteur! Est-ce que vous ne seriez pas un peu hypochondriaque? Absolument pas, je suis juste très préoccupé par ma santé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie actuellement? Ah, Jean-Philippe, écoutez, j'ai quitté immédiatement cet institut de cardiologie pour me présenter à un endroit où on va vouloir retirer ma bourse. Mais en attendant, on va écouter celui duquel on devrait d'ailleurs procéder à l'ablation de la face, mais surtout de la langue, si vous voulez mon avis, Fred Savard. Merci Jean-Sébastien. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de la première chaîne. Une émission qui ne fume pas de crack et qui n'a pas besoin de s'inventer un frère jumeau. Hey, c'est notre moment d'humour social avec... Oh! Social avec Fred Savard. Oui, alors permettez-moi de revenir sur le scandale qui secoue la ville de Toronto et son maire Rob Ford. Oui, je parle bien sûr de cette scabreuse histoire de crack qu'il aurait fumé avec des malfrats de sa ville. Hein. Il n'y a pas juste à la commission Charbonneau qui a des malfrats, c'est déjà ça de pris. Évidemment, les gens sont courroucés de voir un élu s'adonner à un plaisir auquel seuls les plus désœuvrés succombent normalement, et je ne parle pas ici d'Annick Jean. Mais la vraie question de cette chronique n'est pas de savoir si Annick Jean aurait raison de prendre du crack. On sait bien que la réponse est oui, mais non. La vraie question est la suivante. Est-ce si grave qu'un politicien ou une politicienne prenne de la drogue? C'est vrai, les exemples ne pullulent pas, du moins les exemples connus. On a que Rob Ford et André Boisclair, dans le fond, hein, jusqu'à présent. Ouais. Mais l'exemple d'André Boisclair est intéressant dans la mesure où plusieurs personnes estiment que c'est la drogue qui rendait André Boisclair si désagréable, alors qu'on sait très bien qu'il n'a pas besoin d'en prendre pour l'être. Oui, vous êtes tout à fait. Ainsi donc, quand on y pense, où est le problème à ce qu'un élu s'adonne à la drogue? Est-ce bien différent que de consommer de l'alcool régulièrement? Quelle est la différence entre 7 ou 8 scotch et un discours après un référendum perdant et une pipette de crack un soir de pleine lune? Hein? Bon. Et Gérald Tremblay nous l'a dit à la commission Charbonneau, il n'a jamais pris d'alcool ni un seul café de toute sa vie. Est-ce qu'on était mieux barré avec lui? Je ne pense pas. C'est donc dans cette optique que je propose cette semaine un petit guide à l'usage de nos partis politiques afin qu'ils soient en mesure de bien choisir la drogue qui leur convient. Ah, j'ai bon, tout à fait ça. La compétence dans ce domaine. J'ai beaucoup lu sur le sujet. J'ai moi-même expérimenté plusieurs de ces substances dans un passé plus ou moins présent, sans compter que j'ai fait mon cégep en 4 ans dans le programme Sciences humaines sans maths, ce qui est une preuve béton de ma longue expérience des plaisirs éthérés. Alors, sur la scène provinciale, je suggérerais au Parti québécois la consommation de la fameuse drogue des sels de bain. Hein. Vous vous rappelez sûrement de Rudy Eugene, hein, ce pauvre bougre qui mangeait le visage d'un itinérant de Miami après avoir consommé cette drogue. Ouais. Bien, je pense que cette substance est idéale hein, pour le PQ où les souverainistes aiment bien se manger entre eux. Ils auront enfin une bonne raison de le faire. Pour le PLQ, je pense qu'avec Couillard aux commandes, qui plus est un médecin, la codéine sous prescription est tout indiquée, ça enlève la douleur et ça peut même rendre euphorique, il paraît. Alors les militants du parti auront enfin une bonne raison de faire des ovations de plusieurs minutes à des politiciens comme Jean Charest. Et si jamais Philippe Couillard devenait premier ministre un jour, ce sera moi qui aura besoin de codéine en vente libre. Pour la CAQ, je pense que la marijuana est tout indiqué, ne serait-ce que pour permettre à François Legault d'enfin finir son cégep lui aussi. Et s'il l'a... s'il l'a déjà fini, il pourra au moins le refaire dans le plaisir. Sinon, le Ritalin pourrait être bénéfique pour un parti qui a de grandes difficultés à se concentrer sur une même idée plus de 5 minutes. Pour Québec solidaire, ce n'est pas tant Françoise David et Amir Kadir que je conseillerais de prendre de la drogue, mais plutôt à ses militants d'en prendre moins. Hein? En même temps, je doute que fumer de la jute puisse avoir un effet euphorisant. Sur le plan fédéral, ben, d'abord, le Parti conservateur, je n'ose pas leur proposer de prendre la drogue. Je commencerai plutôt par une petite bière blonde à 4 % d'alcool. Genre la Molson Canadian Light. Et si jamais ça se passe bien, on peut aussi chasser ça avec une demi-once de Crown Royal. La monarchie, même en bouteille, c'est toujours meilleur à petite dose. Au Parti libéral, je ne suis pas certain que prendre de la drogue serait une bonne idée, sachant qu'ils sont déjà au fond du baril, mais j'ai quand même l'impression que Justin Trudeau est malgré tout accro à une substance, c'est-à-dire à lui-même. Je ne serais même pas étonné qu'il s'auto-sniff, ce qui expliquerait pourquoi il peut générer autant de vent. Pour ce qui est du NPD, on a ici un excellent exemple des ravages de la drogue, pas tant pour les membres du parti que ceux qui les ont élus. Des gens qui sont en hangover depuis 2 ans déjà. Et pour ma part, je ne prends plus de drogue, évidemment. Ah, ben j'ai carbure maintenant à l'excellence. Une drogue que je sécrète moi-même et qui ne fait aucun dommage au cerveau. Ma délicieuse chronique en témoigne encore une fois cette semaine. Aïe, aïe, aïe. Ben, c'était une de ces rares bonnes. On a retrouvé Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, vous en êtes où, là? Ah, Mon bon Jean-Philippe, j'ai effectivement quitté l'Institut de cardiologie de Montréal où on a refusé de me retirer les valseuses. J'ai traversé la rue chez le vétérinaire et je me trouve présentement avec le docteur Jean Gauvin où j'ai l'intention de me faire littéralement castrer. Bonjour docteur. Bonjour Jean-Sébastien, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors procédez immédiatement à une castration. En quoi ça consiste exactement? Oui, mais un instant Jean-Sébastien, une castration c'est sérieux, là. C'est pas une vasectomie. Non, je sais ça. On enlève carrément les testicules. Castrez-moi, docteur, s'il vous plaît! Non, mais sérieux, là, ça a vraiment des implications énormes sur votre vie future. Comme quoi? Ben, entre autres, vous allez devenir un eunuque. Okay. Vous allez prendre un petit peu de poids, là, c'est sûr. Votre voix va changer un petit peu. Okay. Votre pilosité légendaire aussi va changer. Vous allez avoir l'air de Galchenyuk pendant les séries. Ça me convient. Ah, bon, ben, c'est bon, alors. Excellent. Alors, je m'installe immédiatement sur la table. Oh, juste un instant, je vais recevoir un texto qui nous vient ici du propriétaire du bar chez Roger. Bonjour, Jean-Sébastien. Pourriez-vous aussi castrer Fred Savard? On est 20 années qu'il vient de se digner sur notre clientèle et on voudrait idéalement qu'il cesse de se reproduire. Excellente idée. Est-ce que vous avez des certificats cadeaux? Le signage, il n'y a rien comme la castration. Et effectivement, pour les bonnes œuvres, on a une CCC, une carte cadeau castration que vous pouvez utiliser lors de la Journée nationale de la stérilisation des animaux de compagnie. Et ça, c'est au mois de février. Ah. Donc, ça va vous donner un peu de temps pour y penser. Excellent. Je vais vous en prendre trois. On poursuit l'opération. Je vous reviens dans quelques minutes, Jean-Philippe, libéré de mon coquillard. J'irai vous montrer tout ça en studio. Je pense que ça va être bien beau. En tout cas, ça va être beaucoup plus propre. Merci Jean-Sébastien. Prenez un grand respire. Bye-bye. Fred, notre deuxième invité. Chroniqueur judiciaire, il est également auteur d'un livre sur la course à pied. Et bien sûr, il est marathonien, un prérequis pour travailler au Journal de la presse. Accueillons M. Yves Boisvert. Monsieur Boisvert. Merci de venir nous voir, M. Boisvert. Fred le demandait tout à l'heure, est-ce que c'est un prérequis de courir pour travailler à la presse ou l'inverse? On peut entrer en marchant, mais pour y rester, faut courir. Mais là, justement, faut être permanent si on veut pas courir à la presse. Qui ne court pas à la presse? Très rare. Claude Gingras prétend ne pas courir. Ouais, à mon avis. Médicale, mais ouais, ouais. André Pratt, ça court-tu, ça? Ben, de reculons, à mon avis. Ça court. Il fait juste un marathon d'Ottawa. Parlez pas contre mes confrères. Non. Vous le faites assez le reste. Lisiane Gagnon? Est-ce qu'elle court? Dans sa tête. OK. Vous venez tout juste de publier un livre sur la course. Eh oui. Chronique et récit d'un coureur. Oui. Aux éditions La Presse. Quelle a donc? C'est justement pour arrêter d'achaler les lecteurs de la presse avec moi. Ah, fait que là, vous en écrirez plus, vos mots. Chronique de course. Là. Ouais, c'est un peu ça. OK, ouais. Vous allez vous concentrer. Non, mais moi, j'ai lu le livre, j'ai commencé à lire le livre, j'ai trouvé ça très intéressant, je me suis rendu compte que c'était Marc Labrèche qui avait signé la préface. Mais je me suis dit, je vais quand même donner une chance. Et c'est très intéressant. Mm-hmm. J'ai appris d'ailleurs que Serge Chapleau courait aussi. Oui, modérément, oui, absolument. Oui. Et j'ai appris que ça devenait une drogue parce qu'en fait, je vais vous l'avouer, je cours aussi. Et. C'est ce qu'on m'a dit. Qui ne court pas? Hein? C'est vraiment. Marie-Soleil, vous courez? Moi, je cours pas, non? Moi, je fais bande à part pour pas faire de mauvais jeu de mots. Moi non plus, je cours pas. Non? Mais ça me titille de plus en plus, sincèrement. Ça vient avec l'âge. Mais il paraît que ça prend 3 mois pour aimer ça. Moi, c'est ça mon problème. Moi, j'ai déjà essayé plusieurs fois. 3 mois, hein? Oh oui. Au début, généralement, on court... Ben, d'abord, on est pas habitué encore, puis... On sent ridicule au début, on dirait. Oui, totalement. Ouais. Non, moi, la nuit ou dans des rues où je connaissais personne. Parce que je me sentais un total imposteur. Encore un peu, mais de moins en moins. Mais c'est pas moi. J'avais 44 ans, j'ai commencé à courir. Ouais. C'est des coureurs, on est coureurs. Les gens qu'on a connus au secondaire, là, qui faisaient des 800 mètres, des temps superbes, c'était pas moi. Alors là, quand je me suis grillé de l'équipement de base, ben là, je me suis dit non, faut pas que quelqu'un me voie comme ça, c'est trop ridicule. L'équipement de base, c'est quoi l'équipement de base? Ça reste pas mal les souliers. Ben c'est ça, dans le fond. On revient toujours à ça. Mais finalement, au début, ben on met un t-shirt en coton. Mais là, finalement, les fabricants, l'industrie... Ah, ils savent vendre. Ah oui. Ouais, ils convainquent que ça prend le t-shirt technique qui fait expulse la sueur. Et on sent pas du tout mouillé, c'est sec. Il y a une annonce d'ailleurs, on voit la logique ça, et le gars reste sec. Et c'est vrai que ça fait ça. Hein. Ouais, c'est exactement le sentiment que... Je dois mal courir parce que je me sens encore humide avec ça. Ah ouais, c'est ça. Je vois notre public qui se lève pour aller prendre de la bière et je me suis dit, est-ce que j'offre une bière à notre marathonien? Non, c'est bon, je suis à l'eau. Ça vaut une fortune, ça. Ouais, non, c'est clair. Mais on n'est pas fous. Hein. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on garde les bouteilles vides et on les remplit. On t'a Radio-Canada quand même. Non, on n'a pas l'argent. 5 marathons. Ouais. Est-ce que vous allez faire celui de Boston? Ben, c'était le but, c'est pour ça que j'en ai fait autant. Paraît qu'il est bien, bien difficile, surtout à la fin. C'était trop tôt pour une blague sur le marathon. Moi, c'est pas une blague. Il paraît qu'il est très dur, surtout vers la fin. Ouais, il y a une petite montée. Moi, en répétition, j'ai pas ri de ce blague-là. Il se passe trop d'affaires dans la politique municipale, provinciale et fédérale pour ne pas en parler. Alors, c'est pour ça que je cours. Ben oui, là, c'est ça. Hein? D'ailleurs, c'est très libérateur. Est-ce que vous croyez Rob Ford quand il dit que c'est pas. Ben, en fait, il dit pas nécessairement que c'est pas lui, mais il dit que ça n'a pas de rapport. Il dit que c'est. Il a dit que c'est ridicule. C'est tout ce qu'il a dit. Alors, c'est effectivement ridicule. Si j'étais victime d'un coup monté, de trafiquants de drogue qui font une fausse vidéo de moi et qui disent que je fume du crack, puis même si j'étais pas le maire de Toronto, je passerais pas une semaine à rien dire. Ouais, c'est ça. Là, alors évidemment, on peut pas présumer qu'il est coupable de quoi que ce soit, mais disons que c'est un peu bizarre. C'est ça. Hein, alors, c'est un peu spécial, non? Je crois qu'il serait temps qu'ils disent au moins une phrase pour commencer. Ouais, bien sûr. Mais ça commence comme ça. Répondre à quelques questions parce que ça se peut que ce soit truqué. Personne n'a expertisé ce truc-là. C'est ça, mais comment ça se fait que le Toronto Star a lancé l'histoire malgré Ça, c'est à cause de la pression du site potin Gawker qui, eux, l'ont sorti. Alors, ça, c'est un peu pervers. C'est-à-dire, on a vu des histoires médiatiques comme ça sortir un peu hâtivement dans les médias traditionnels qui ont des standards de vérification parce qu'il y avait une pression sur Internet. Ouais. Des fois, pour le meilleur, puis là, ils jouent vraiment leur réputation parce qu'il y a une guerre ouverte entre le Star et Rob Ford depuis longtemps. Ouais. C'est eux, ils ont sorti toutes sortes d'histoires sur ses problèmes d'alcool. Lui, il dit que c'est pas vrai. Disons que. On peut pas juger. On peut pas juger. Alors qu'ils ont pas super bien. L'avantage, quand même, c'est que lui. C'est pas caché. Tous ces problèmes sont exposés. On le voit parler au téléphone cellulaire dans l'auto. Les journalistes courent après. Il part sous d'un gars-là. C'est dans le journal. Ben oui. Tandis qu'ici, si vous analysiez l'urine du maire Vaillancourt ou du maire Tremblay, vous n'auriez trouvé aucune trace de substance. Cette semaine. Ça se peut-tu que voulez-vous que je vous dise, l'urine du maire Vaillancourt est peut-être souvent teintée de 20$. On le sait que dans les toilettes de chez Vaillancourt, il y a beaucoup de billets. C'est ça qui est étonnant. Mais justement, là, est-ce que le maire Ford a encore une légitimité à quelque part? Je ne penserais pas. Non, mais c'est important quand même d'avoir un maire crédible à la tête d'une ville. Non, je pas vraiment. Déjà. La question se pose. Ouais. La question se pose. On fait le tour de la région de Montréal. On voit ce qui sort à la commission Charbonneau sur différents maires, dont certains sont encore en poste. Est-ce vraiment nécessaire d'être crédible? Je ne sais pas. Mais non, franchement, je crois que. En plus, il a failli. Il s'est d'abord fait expulser de la mairie. Il s'est fait destituer par un premier jugement. 3 000 $ ou 5 000 $. En appel, Mais encore là, c'était fait. Publiquement, il s'est pas caché. Ben, c'est pas une affaire de rien, c'était une faute de principe. Je crois que c'était exagéré dans ce cas-là de le destituer pour ça. Mais c'était pas caché, c'était pas dans un sous-sol de l'hôtel de ville. 3 000 $, c'est quoi? 5 grammes de crack? 10 grammes de crack? On n'est pas à monter. Ben oui, non. Dans votre temps. Mais là, parlons vraiment d'une mairie qui nous intéresse, celle de Montréal. Il y a notre ami Denis qui a annoncé sa candidature. Ouais. On en pense quoi? Je lance comme ça. Qui va voter pour Denis Coderre ici? C'est un test que je fais juste pour voir. Bon. Mais c'est qui sont les autres? On ne parle que de Denis. Ouais, qui sont les autres? Ben, il y a monsieur Bergeron là, puis madame Harel. Ouais, madame Harel qui a pas beaucoup de succès à l'ouest du boulevard Saint-Laurent. C'est pas ça ben. Mais fait que personne qui va voter pour Denis, personne qui avoue voter pour Denis. Mais oui, c'est pas la même chose. Ah, c'est ça. Moi, si je voulais voter pour Denis Coderre, c'est pas exactement ici que je le dirais. Non, OK. Mais honnêtement, ça me surprend. Fred, même pas vous. Moi, j'entends d'être d'Imburne. C'est là que ça se passe. Et on en pense quoi de la candidature? Est-ce que c'est crédible la candidature de Denis? Marie-Soleil, est-ce que vous allez voter pour lui? Je ne sais pas encore pour qui je vais voter, pour vrai. Est-ce que vous restez à Montréal? Oui, oui. Ah, OK. Ben oui. Mais non, mais d'un coup. Oui, oui. Ça prend du renouveau. Est-ce que Denis Coderre, c'est le nouveau? Je ne sais pas. Oui, trouvez-vous. C'est parce qu'il a pris dans le vent, vous aussi, si vous étiez dans le vent. Non, moi, c'est béton. Moi, c'est béton, ça. Non, je sais pas. J'attends de les voir aller. Moi, j'attends pour vrai de voir les programmes puis les promesses. Tout ça. Je suis un peu à l'ancienne pour ça. Ben, ça va être facile, Denis. C'est 140 caractères, son programme. Une ville intelligente, une ville intelligente. Ben oui, c'est facile. Mais pour vrai, là. Ben, pour vrai, il faut attendre de voir. C'est-à-dire que. au départ, ouais. Denis Coderre, il nous a jamais impressionné ou informé de son intérêt pour les choses montréalaises. OK? Alors, mais c'est un mais politicien. Il aime le monde, par exemple. Ah oui, il aime le monde. Ben oui, il aime le monde. Ma mère aussi aime le monde. Ah, oui. Ben, votre mère pourra faire une bonne mère. Oui, mais elle est réticente. Mais peut-être que. Alors, mais donc, il y a un gros doute sur le contenu. Bon. Cela dit, il a le droit de prendre le temps qu'il faut pour développer son programme. Donc, la première journée, de lui tomber dessus puis de lui dire, il n'y a pas de contenu, il ne connaît rien. Moi, j'ai dit ça avant, c'est-à-dire. Et là, je me dis, OK, on va voir ce qu'il a présenté. Ouais, ouais. On va voir qui il rallie et quel contenu il y a. Le fait que c'est un... Il n'est pas très vieux, mais c'est un vieux politicien aussi, ouais, Denis Coderre. Tu sais, il a été au Parti libéral dans des années difficiles, disons, ben, ouais, qui ont donné lieu à un rapport de M. Gomes. Okay, ouais, ouais, alors, lui, ouais, il n'a pas été blanc, mais là-dedans, c'est vrai. Mais donc, il y a comme une espèce de fardeau de la preuve, ouais, qui il doit convaincre. Il incarne pas le renouveau, en tout cas, ça, c'est sûr. Ben, il incarne le renouveau à Montréal. À Montréal, ouais, mais à Montréal. En même temps, c'est un renouveau, ouais, qui vient du fait qu'il... Qu'est-ce qu'il a dit sur la ville? Qu'est-ce qu'il connaît de la ville? C'est très différent. Il connaît beaucoup la politique. Les Canadiens de Montréal. Hein, pour, ouais, quand ouais, il suit déjà les pas matchs. Mal, c'est déjà ça, pas mal. Ça, ouais. Tu sais, quand Jean Charest est passé du fédéral au provincial, ouais, ça lui a pris 2 ans pour s'y faire. Parce que c'est d'autres dossiers, c'est, ouais, c'est d'autres enjeux, c'est d'autres façons de faire. Puis au niveau municipal, je pense que le choc est encore plus brutal. Donc, mais... Je lui laisse le temps de faire ses classes. Et là, il faut admettre un truc avec Denis Coderre, c'est que là où il est allé, effectivement, il a réalisé des trucs. Il peut planter quelques, ouais, drapeaux ici et là. Ouais, ouais. Quand il s'est battu pour l'agence antidopage, ben, il l'a eu à Montréal. Et puis, ouais, quand il était ministre des Sports, ben, il a convaincu les gens. Bon, les gens l'aiment. C'est un gars de terrain. Ben là, je suis en train de donner des points positifs pour Denis, mais aussi c'est qu'on essaie de l'inviter pour la semaine prochaine. Ah. Il va venir, c'est sûr. C'est, non, mais c'est, on l'a eu deux fois. On l'a eu deux ou trois fois quasiment. Ouais. Nous autres, c'est. Ben aimé ça. La dernière fois, ben aimé ça. Ouais, la dernière fois, c'est quand on a parlé de la commission Charbonneau, ça a moins été ça. Mais est-ce que vous pensez qu'il va passer? Est-ce que son nom va sortir? Ben, en ce moment, en ce moment, il n'est pas à 50%, mais il est devant les deux autres. Louise Arel, c'est ben de valeur. D'après moi, c'est peut-être la plus brillante des trois. C'est une femme très intelligente, ouais, très compétente, mais elle peut pas passer à l'ouest du boulevard Saint-Laurent. Non. Elle parle à peine anglais. C'est une ancienne ministre du Parti québécois. À Montréal, là, elle ne peut pas être la mairesse de Montréal. Ça ne peut pas arriver. Est-ce que quelqu'un pourrait dire, peut-être? Ben, en tout cas... Ça fait pitié. Elle est fine. Ben oui. Et Richard Bergeron, lui, et surtout là, avec son... Ils sont campés trop à gauche pour rallier l'ensemble de la ville. Mm-hmm. C'est ben de valeur. Lui aussi, c'est un gars très compétent dans plein de domaines, dans l'urbanisme. Mais pour être le maire de Montréal, je pense qu'il va plafonner dans les sondages. Donc, en ce moment, s'il y avait des élections, ce serait probablement par défaut Denis Coderre. Un autre maire par défaut. Ben, ça va être le fun. Ça va être le fun. On est très, très contents. Merci beaucoup d'être venu nous visiter. Merci de l'invitation. Et puis, vous restez avec nous. Ben oui, OK. Ben, j'espère bien. D'autant que c'est notre prochain chroniqueur. Oui. Présentez-nous ça, Fred. Les coliformes fécaux font partie de son quotidien, mais dans son cas, ce sont plutôt des vers d'oreille. Voici la chronique d'Olivier Niquette! C'est une belle présentation, ça, Fred. Fin, hein? 46. Allez-y. Un coup de tonnerre en fin de semaine, alors que Sophie Durocher nous apprenait que Stéphane Gendron remplacera Jean-Charles Lajoie, le gauchiste de service à Radio X. Oui. Or, mardi, Jean-Charles, toujours empreint d'esprit sportif, décidait de se venger de Mme Durocher en révélant des détails de sa vie privée dans les boutiques chics de la rue Laurier. C'est une pas pire tornade quand ça rentre dans boutique, ça là, ben ça roule à pas loin d'un million en coupe, ça, ces deux-là, tu sais. Ben... Que ça a de l'argent à dépenser, pas pour rire. Quel fluo sur Laurier ici, je pense que ça prend trop de temps d'ailleurs à dépenser de l'argent, ça devrait en prendre plus à mettre la rigueur dans un texte, mais ça, c'est une autre histoire. Pourtant, Richard Martineau a bien démontré cette semaine à LCN qu'il passe autant de temps à être rigoureux dans ses textes qu'à l'être dans la vraie vie. J'avais une discussion il y a quelques jours avec ma fille de 14 ans, il faisait froid, puis je disais « Regarde le réchauffement de la planète, la planète ne se réchauffe pas. » Voilà, il fait frais, donc il n'y a pas de réchauffement. Je sais, je vous ai passé un extrait identique la semaine passée, mais je voulais juste montrer que c'était commun comme raisonnement. Ah, OK, merci. Passons maintenant à la vidéo de Rob Ford fumant du crack avec deux criminels notoires. Plusieurs ont jeté la présomption d'innocence aux poubelles dans ce cas-ci, mais d'autres, comme Éric Duhaime, très à cheval sur leurs principes, surtout si le cheval porte à droite, ont appelé à la prudence. Comment tu fais pour savoir si c'est pas un montage? Mais il faut que je me fie sur le journaliste. Ben, c'est justement, moi, je me fie pas sur le Toronto Star. Ben, j'ai aucune confiance dans ce média-là. Mais tu te fies régulièrement sur les journalistes, là, toi, là? Ouais, mais je suis critique, là. Si Radio-Canada me sortait encore des histoires, là, regarde, tu veux que je t'en nomme des histoires à Bras-Catabrande qui ont fait contre l'ADQ dans le temps qu'on était là? Mais c'est ça, je te dis. C'était des montages, puis c'était des niaiseries, là. Ah oui, oui, ça me rappelle, j'ai déjà vu des images de Mario Dumont sur un stage avec deux souverainistes notoires. Ça, ça doit être ça, le montage. De toute façon, on peut plus se fier aux médias, on peut plus se fier au gouvernement, on peut plus se fier à l'eau qu'on boit, mais une chance, on peut se fier à Denis Gravel pour nous dire que ce qui est bon pour nous, c'est de ne pas laisser les autres nous dire ce qui est bon pour nous. Moi, des gens qui veulent fouiller dans mon épicerie puis me dire à ma place ce qui est bon puis ce qui est pas bon, je le fais pas confiance pour rédiger un cours d'histoire. Désolé. Désolé. S'il y en a un qui sait ce qui est bon pour moi puis ce qui est pas bon pour moi, c'est moi. Puis je suis pas en mesure plus qu'un autre de vous dire à vous autres ce qui est bon pour vous autres puis ce qui est pas bon pour vous autres. C'est drôle, hein, parce que j'étais sûr que la job de Denis Gravel, c'était justement de nous rentrer dans la tête qu'il y a rien de bon pour personne au Québec. Un coup d'œil. Revenons maintenant sur la candidature de Denis Coderre et sur sa conférence de presse un peu chaotique. On peut trouver que les manifestants ont manqué de classe de lui voler ainsi la vedette, sauf que peut-être que tout ça n'est qu'un vaste complot, comme le propose Martin Pelletier. Parce que si le gars est vraiment là pour manifester masqué, puis l'autre lui essaie d'enlever le masque de Denis Coderre... Il l'a remis vite, hein? Ben c'est ça, il l'aurait remis, puis où il se serait débattu pour pas qu'il enlève. Il a enlevé ça comme si c'était stagé. Moi, je suis convaincu qu'il y a une partie de staging là-dedans. Et oui, Denis Coderre aurait délibérément sabordé sa propre conférence de presse pour se nuire à lui-même. C'est d'une logique implacable. D'ailleurs, Radio-Canada a voulu diffuser cette conférence sur le web, mais une petite erreur d'aiguillage présentait plutôt aux internautes l'image en direct de Panda qui se jouait avec le bambou. Sylvain Bouchard a tenu à souligner l'ironie de la chose. C'est en haut, c'est écrit « Denis Coderre redonne sa fierté à Montréal ». Exactement. En plus, qui a ruiné la fierté de Montréal? Mais je sais pas si vous voyez le symbole, là. Ça se peut-tu qu'il y a des pandas de ce monde qui ont ruiné Montréal? Arco-Panda? Et non, ce n'est pas Frank Zampino, Gérald Tremblay ou Carey Price qui ont ruiné la fierté de Montréal. C'est un gars qui se déguise en panda. On n'est peut-être pas si dans marde que ça, finalement. Terminons avec une nouvelle de sport, gracieuseté de René Aumirois. Qui était peut-être secoué, remué par toutes sortes d'émotions qui l'ont empêché de choisir les bons mots après le match. Oui, ça c'est très joliment dit. Il n'a pas choisi les bons mots. En terminant, François, Alain Vigneault, donc, éjaculé de son fauteuil, éjectable. Parlant de choisir les bons mots, sur ce, je m'éjacule. À la prochaine. Bon, merci René. Eh bien, c'est le moment d'aller retrouver notre bon chroniqueur Jean-Sébastien Girard qui en est rendu où? Jean-Sébastien! Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Qui est à l'appareil? C'est moi, Jean-Philippe, je me suis enfin débarrassé de mes rubignoles! Vous avez une voix de fille, Jean-Sébastien. Je sais, mais je suis vivant, Jean-Philippe! Je suis vivant! Mais vous êtes vivant avec une voix de mongole, c'est pas le fun. Oui, mais un mongole vivant, Jean-Philippe. Mais vous pourrez plus faire de radio, Jean-Sébastien. C'est ça qui va se passer. C'est pas grave, parce que maintenant, je peux chanter. Par exemple, bye-bye, mon sac, pour toujours. On peut arrêter ça, pour vrai. Je pense que oui. Je peux arrêter ça, c'était suffisant. Notre dernier grand cœur, Fred. Contrairement au NPD, notre correspondant parlementaire ne veut pas abolir le Sénat, mais peut-être juste le réformer. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Bon. Juste avant de commencer, vous avez votre sac, vous? Oui. OK. avec le scandale Duffy, Brazo, Wallin, il y en a qui veulent abolir le Sénat. Oui, oui, oui. Mais comme vous avez à cœur l'éducation de notre auditoire... C'est important. Hein, pour qu'ils soient fiers de nos institutions, même les plus archaïques, vous allez nous tracer le portrait du Sénat. Que j'ai visité souvent, d'ailleurs. C'est propre, comme une résidence soleil. Ça, c'est un peu formol. Et on aime ça, détester ça, mais si vous y allez, et c'est vrai, les plafonds sont recouverts d'or. Quand vous entrez dans la salle, il y a des magnifiques tableaux qui représentent des scènes de la Première Guerre mondiale sous trois thèmes. Désastre, décadence et souffrance. Donc, il n'y a pas de hasard. Et qui peut devenir sénateur? Est-ce vous que pourriez être sénateur? Non! Oui, ben, il faut juste être citoyen canadien, avoir au moins 30 ans et être propriétaire. Désolé, Fred. ce qui nous apprend quand même que Luc Ferrandez ne peut pas être sénateur, alors Ottawa est quand même safe. Mais sinon, à peu près n'importe qui capable de nous guider avec ses lumières à travers ce monde ténébreux peut être sénateur. Les candidats conservateurs défaits en particulier. Ah oui, Patrick Brazeau, là, le gars qui a du punch dans son verre comme sur les gens. Ouais. Larry Smith, Pierre-Hugues Boisvenu aussi, qui est doux. Oui. Ouvert d'esprit. Tout. Oui. Et la sémillante José Werner, aussi l'ancienne flamme du bonhomme carnaval qui n'a jamais géré sa défaite aux dernières élections. Même Jacques Demers, vous l'avez dit, songe à démissionner. La rumeur veut que s'il passe, Stephen Harper nommerait son ancien vis-à-vis au Nordique, Pierre Pagé, qui irait engueuler Mike Duffy comme Matt Sundin. Ça serait bon. Ouais. Mais ils font quoi, les sénateurs? 135 000 par année? Non, mais je sais pas. OK, oui. Ben ça, c'est le moment où j'aurais pu faire plein de jokes, mais j'ai décidé de vous lire un extrait authentique du site web du Sénat. Et c'est encore plus drôle. Okay. Les sénateurs sont très occupés. Ben, ils peuvent discuter et débattre de questions essentielles, rencontrer les gens qu'ils représentent, participer à des réunions, soumettre des projets de loi, répondre aux questions des journalistes, lire des livres, prononcer des discours, assister à des conférences, voyager entre leur région et Ottawa et représenter le Canada partout dans le monde. Non, mais vous faites vraiment rien, vous, dans la vie. Ils courent pas, les sénateurs. Ils courent pas. Ah, ils répondent pas beaucoup aux questions des journalistes. Non plus. Ben, OK, mais c'est intéressant, mais de même, là. Est-ce qu'on peut l'abolir, le Sénat? Je lance ça comme ça. C'est difficile, c'est pas simple, parce que ça prend l'accord des provinces, puis là, ils vont demander des amendements constitutionnels, puis Puisque Stephen Harper veut démocratiser le Sénat, je vous propose ma réforme du Sénat. Pour démocratiser l'affaire, là, sans avoir à se taper tous ces problèmes-là, là, pour la au niveau du vrai monde, j'ai trouvé un moyen très, très simple. Une idée que va sûrement apprécier Marie-Soleil en nouvelle passionnariat de la télé. Il suffit de réserver les postes de sénateurs et sénateuses aux candidats des 9 éditions d'Occupation Double. Hein. Ils sont good-looking, super de belles filles, super de beaux gars, un bronzage intégral, une dentition impeccable, ils attiraient l'attention, il y aurait du temps en masse pour voyager et les débats seraient pas plates. Puis là, il y a plein de pompiers en plus là-dedans qui peuvent éteindre des feux. Là. Puis... Puis tu sais, ils peuvent pas moins comprendre que Patrick Brazeau puis José Werner quand même. Puis ils ont déjà des plugs en plus. Rappelons-nous la rencontre entre Stephen Harper puis Hubert Cheveux de Fabio et Andréanne. Oui. Alors, juste vous dire qu'il est aussi dans la liste des plus beaux. Chanceux. Ouais. Alors, imaginons tous ensemble un projet de loi pour abolir le registre des armes à feu. Là, Sébastien Benoît dirige les débats d'une main de maître. Marie-Pierre Morin qui arrive sort lentement le document de son enveloppe pour en révéler le contenu sous les projecteurs et un ventilateur savamment placé. Et là, en attendant des rapprochements, Jimmy se met en bobette. Il se met à danser sur son pupitre pour exprimer son opposition. Laurie qui lance des débats avec un move de tête de bobblehead là, en disant « Je voterai pas pour ça, moi. La dernière fois qu'on s'avait parlé, on savait pas de ça, là. J'ai eu l'enfance difficile, là. » La musique intense qui part. Puis là, au moment du vote, Christina avec un grec se trompe de bouton parce qu'elle a la vue obstruée par sa poitrine. Et là, tout le monde de répondre encore « Ah ouais! » à l'annonce des résultats. Les gars qui ont perdu se font réconforter virilement par leurs collègues qui ont gagné. Les filles qui se pleurent dans les bras tellement ils comprennent tellement ce que l'autre vit, là. Hey, Colin. Le tout entrecoupé d'excès de Steve et Queenie qui nous racontent exactement ce qu'on vient de vivre comme si on l'avait pas vu, tu sais. Puis chacun s'en retourne dans son comté en limousine en faisant une entrevue sensible où ils disent qu'au fond, ils ont hâte de retrouver leur famille. Et le compte-rendu à chaque semaine sur Hollywood PQ, le blog d'Hugo Dumas et la critique à C'est juste la TV. Puis celui qui se fait adopter le plus de projets de loi gagne un week-end avec le candidat de son choix au 24 Sussex. Là, on parle pour le Sénat. Ils n'ont pas le choix de toute façon parce que si le gouvernement Harper abolit pas le Sénat, je pense que c'est le Sénat qui va abolir le gouvernement Harper. Ah, merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est déjà tout pour ce soir. C'est fou de même, hein? Alors, on vous invite à rester à l'écoute, tout le monde. C'est le cabaret Plus on est de fous, plus on lit. Et c'est suivi de Bande à part. Merci à toute l'équipe, Valentine Ticotte, Jean-Louis Gagnon, Steve Côté et Philippe Roberge. Un gros merci à nos invités, Marie-Soleil Michon, qu'on attend à C'est juste la TV dès septembre. Le 13 septembre. Le 13 septembre, en direct le vendredi à 9h. Et que c'est une belle heure de TV, ça. En tout cas, c'est ça comme suivre. Ça. Et évidemment, Yves Boisvert, bonne chance pour vos prochains marathons et bonnes élections municipales. Ça va être intéressant, ça. Et quant à nous, si vous voulez écouter l'émission, notre balado est disponible sur notre site web. Et si vous voulez vous aussi assister à l'émission, vous nous écrivez. On enregistre les jeudis à 17h. Nos invités la semaine prochaine, Kim Thuy et Benoît Brière. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.